Voyage à la Mecque par Albert le Boulicot. Lundi. Le premier temple qui ait été fondé parmi les hommes est celui de Becca, la Mecque. Il a été fondé pour être béni et pour servir de direction aux humains. Vous y verrez des traces de miracles évidents. Là est la station d'Abraham. Quiconque entre dans son enceinte est à l'abri de tout danger. En faire le pèlerinage est un devoir envers Dieu pour quiconque est en état de le faire. Coran, chapitre « La famille d'Imran », versets 90-91. Nous entrons par la porte Cheikh Mahmoud, et nous voici dans la ville trois fois sainte où rien ne nous faisait prévoir que nous puissions arriver sans encombre. Ville arabe, malpropre comme les autres, aux toutes petites rues encombrées de pèlerins. Il en est venu 180 000 cette année. Avec mes domestiques, dont le dévouement est à toute épreuve, je me mets en quête d'un logement. Oh, cette course à travers les rues de la Mecque, où grouille une foule bariolée de toutes les couleurs de l'Orient. Ces visites dans les hôtelleries arabes, à la recherche d'appartements où l'on pourrait dormir sans avoir trop à combattre contre les parasites vivant ici en liberté. Nous trouvons enfin trois chambres au deuxième étage, d'une maison qui en compte quatre, dans une rue assez large, la seule peut-être de la ville, une rue qui se nomme, m'a-t-on dit, rue El-Sherif et sur laquelle donne un balcon. Je m'installe dans une des chambres. Mes deux esclaves occupent la seconde. La troisième nous servira de salle de bain, cuisine, débarras, etc. pendant la durée de notre séjour à la Mecque, c'est-à-dire 18 ou 20 jours. Après un bain nécessité par le sable ténu du désert entré dans les cheveux, la barbe, dans tous les pores de la peau, je fis étendre sur le balcon un de mes tapis d'Orient en poil de chameau et les coudes sur les coussins, le bouquin d'une narguilé aux lèvres, je m'emplis les yeux du spectacle de la rue. Celui qui n'a jamais assisté à des réunions d'orientaux ne peut se faire une idée de l'impression produite par la variété des costumes aux couleurs chatoyantes, miroitant sous le soleil torride que nous avons ici et qui embellit tout, magnifiant presque les haillons multicolores qui passent là, sous ma fenêtre, portés par des bédouins majestueux. Quelle diversité! Il y a des Égyptiens aux longues robes de soie verte, bleu ou rose triées de raies blanches, dont les manches élargies se prolongent bien au-delà des poignets et traînent jusqu'à terre. Il y a des Tcherkesses aux bonnets d'astrakhan, aux redingotes noires tombant sur des bottes vernies à revers, des Hindous à turbans énormes, des Chinois, des Turcs, des Afghans, des Marocains, des Algériens, des Bédouins du désert aux koufis bruns, rouges, blancs, aux manteaux sordides, aux sandales indescriptibles, quand ils en ont. Il y a enfin les Beni Hossein, maîtres de séance, propriétaires de la Mecque et exploiteurs des pèlerins. Ils tiennent de Mahomet, dont ils descendent, le privilège de céder à des prix exorbitants le vivre et le couvert aux pauvres croyants du reste du monde. Les Beni Hossein, eux, n'ont pas voulu qu'on les confonde avec les autres habitants du Hedjaz. Dès mon entrée à la Mecque, j'avais remarqué un certain nombre d'individus bizarrement balafrés. En voyant passer d'autres, plus nombreux encore, sous mon balcon, j'appelais Montab et lui demandait s'il savait ce que cela signifiait. « Ces balafres, Saïdna, me dit-il, s'appellent Tachrit, ou plutôt sont le résultat de l'opération qui porte ce nom. 40 jours après la naissance d'un enfant mâle, on lui fait deux incisions verticales sur chacune des joues et sur la tempe droite. Ce sont là signes indélébiles qui empêchent les habitants de la Mecque d'être confondus avec nous. Saïdna, j'ai dit. » Je fis un signe de remerciement et mon esclave, courbé en deux, se retira à reculons, me laissant sous une impression d'indéfinissable malaise causée par l'ambiance barbare que je sens déjà vaguement autour de moi. Et le spectacle chatoyant de la rue se déroule en une procession interminable de pèlerins bariolés, errant par groupes, le nez en l'air, et faisant connaissance avec la nouveauté des lieux, en attendant qu'après les jours de repos s'accomplissent les cérémonies du pèlerinage. Lorsque Abraham et Ismaël eurent élevé les fondements de la maison, ils s'écrièrent « Agrée-la, ô notre Seigneur, car tu entends et connais tout. » Coran, chapitre la vache, verset 121. À l'heure où chante le muezzin et où commencent de s'allumer les petites lampes des mosquées, je sors pour l'habituelle promenade du crépuscule et je dirige mes pas du côté de l'immortel Kaaba, le Saint des Saints, le temple unique vers lequel, aux heures de prière, se tournent les musulmans du monde entier. Et c'est là, au centre de la ville, sur une place autour de laquelle semblent groupées toutes les maisons de la Mecque, comme pour la dissimuler aux regards indiscrets des infidèles, une immense cour formant un carré irrégulier de 150 mètres de long, à peu près, sur 125 de large. J'entre dans cette cour que nulle porte ne ferme. À cette heure du crépuscule, l'impression est indicible que produisent les vastes dimensions de ce lieu d'adoration, particulièrement vénéré des musulmans. Au centre de l'immense cour, la Kaaba, à laquelle on arrive par une succession de 8 paliers pavés de marbre. Puis, tout autour, des colonnades de 3 et 4 rangs de piliers en marbre blanc et en granit, d'une hauteur d'au moins 6 mètres et de 0,50 m de diamètre. Sous la voûte ogivale, reliant entre elles toutes les colonnes, brûlent des milliers de lampes d'or et d'argent massif que laissèrent ici les pèlerins en reconnaissance de grâces obtenues. Et merveilleux est l'effet de cette multitude de petites lumières, semblant autant de vers luisants accrochés aux branches d'une forêt pétrifiée. De distance en distance, des minarets s'élèvent au-dessus de la colonnade qui semble s'appuyer au mur des hautes maisons dont la mosquée est entourée. Jadis, m'a-t-on dit, ces immeubles appartenaient au temple. Ils sont aujourd'hui propriété privée et les riches habitants de la Mecque qui les détiennent les louent fort cher aux pèlerins qui veulent commodément faire leur pèlerinage. On a, en effet, quand on y habite, le privilège d'accomplir chez soi certaines cérémonies et l'avantage de s'unir, sans avoir à quitter son balcon, aux prières des fidèles qui se pressent dans la mosquée. Mercredi. Dorénavant, quiconque transgressera ces lois de Dieu sera livré au châtiment douloureux. Ô vous qui croyez, ne vous livrez pas la chasse pendant que vous êtes dans la tenue sacrée du pèlerinage. La pêche est permise, mais la chasse vous est interdite tout le temps de la tenue sacrée du pèlerinage. Craignez Dieu. Un jour, vous serez rassemblés autour de lui. Coran, chapitre la table, versets 95 à 97. Voici venu pour moi le moment le plus dangereux du pèlerinage. Je l'ai retardé autant qu'il m'a été possible. S'il est des accommodements avec la loi de Mahomet, il n'existe pas de dispense plénière et je dois me soumettre rigoureusement aux prescriptions du Coran. Je revêtirai donc le ihram. Rien de souillé ne doit entrer dans la Kaaba, qu'il ne faut pas confondre avec la mosquée à Haram el-Sherif où chacun peut prier sous le costume qui lui convient. Aussi, le pèlerin qui veut pénétrer dans le sanctuaire doit-il dépouiller les vêtements dont il s'est servi durant le voyage et couvrir sa nudité d'une seule toile, absolument neuve, dont il se ceint les reins. Il en rejette un des pans sur l'épaule gauche, le bras droit restant nu. Il lui est interdit désormais de se raser la tête et la barbe, de se tailler les ongles, de connaître la femme, de chasser. L'interdiction s'étend jusqu'au meurtre des puces, punaises et autres inquiétants parasites qui semblent jouir ou être jazz d'une complète immunité. C'est sans doute de là que vient le respect des Arabes pour ces incommodes petits animaux qu'ils cueillent délicatement, sans leur faire de mal, et posent doucement à terre quand ils ne peuvent pas, comme je l'ai vu faire plusieurs fois en Égypte, les lancer sur les Européens qui passent à proximité. De ces rigoureuses observances, le prophète lui-même donna l'exemple. La tradition rapporte en effet qu'au commencement de Dzulhijja, le 12e mois du 29e jour de l'année musulmane, de l'an premier de l'Égérie, Mahomet se rendit de Médine à la Mecque pour accomplir solennellement le Hajj el-Balaghi, le pèlerinage de l'enseignement, aussi nommé Hajj el-Islam, le pèlerinage de l'islam, qui devait mettre un terme à sa prédication en fixant à jamais le rituel du pèlerinage. Suivi de ses compagnons, il entra dans le temple dont il baisa dévotement la pierre sacrée, pria au tombeau d'Abraham et fit les 7 trajets entre la colline de Zafa et celle de Marwa, le front toujours tourné vers la Kaaba. Le lendemain, il se rendit à l'Arafat, fit sa prière et, monté sur sa chamelle favorite Kosva, prononça devant le peuple un long discours qu'il termina en demandant à Dieu s'il avait bien rempli sa mission. Les croyants, en une acclamation formidable, répondirent « Oui, tu l'as bien rempli ». Alors le prophète adressa au Seigneur de ferventes actions de grâce et descendit vers la vallée de Mouna où il sacrifia de sa propre main 63 chameaux. Il se fit ensuite couper les cheveux que les fidèles se partagèrent et retourna à Médine pour y mourir. Régulièrement, le pèlerin doit porter le ihram dès le moment où il met le pied sur le territoire sacré du Hijaz. Les pauvres seuls se soumettent à cette obligation. Pour des raisons dont la gravité apparaîtra plus tard, je sollicitais une dispense. Moyennant le prix de 2 brebis qui furent sacrifiées en compensation, je pus continuer mon voyage sous le voile tutélaire de mes habits de bédouin. Maintenant, il n'y a plus à hésiter. Retiré dans ma chambre, dont j'ai rigoureusement interdit l'entrée à mes esclaves, je procède à ma toilette en observant tous les rites, par simple fantaisie, cette fois. D'abord, les 2 ablutions avec la formule coranique « Allah, selon ta volonté et celle de ton prophète, je viens revêtir le hiram pour visiter la Kaaba et accomplir le pèlerinage. » Puis, la friction de tous mes membres au benjoin et à l'eau de rose. Enfin, le hiram. Après cette minutieuse toilette, je pénètre dans la mosquée avec mes frères en islam, dans la mosquée où je suis venu hier en curieux, où je rentre aujourd'hui en très pieux et très angoissé pèlerin. Nous entrons par Bab el-Salam, la porte du salut, gigantesque arc de triomphe aux riches arabesques où je laisse, sous la garde d'indolents portiers, les élégantes babouches que j'étreine aujourd'hui. Lentement, très lentement, et portés les uns par les autres, nous franchissons, sous le soleil qui brûle, les 8 paliers de marbre qui mènent à la Kaaba. Oh, ces stations au pied des gradins qui séparent chaque palier! Cette station, plus longue encore, devant le monument qu'occupent des pèlerins, pendant que d'autres en font le tour et que nous attendons. Et elle est là, tout près de nous, au milieu de la mosquée qui l'écrase par la grandeur de ses proportions, la célèbre maison de prière que Dieu lui-même, d'après ce que me racontèrent des compagnons de route, édifia dans le ciel, 40 000 ans avant la création du monde. L'histoire de la Kaaba vaut, je crois, la peine d'être dite, et je ne résiste pas au plaisir de la retranscrire ici telle que je l'ai entendue. Mon récit ne rendra pas la stupéfiante conviction de celui qui me narra ces choses, mais il sera fidèle en tous autres points. Lorsque Dieu eut construit la Kaaba, il ordonna aux anges d'en faire 7 fois le tour en invoquant son nom. Ce fut l'origine de Tawaf, la procession autour de la Kaaba. Puis, longtemps après, Dieu créa l'homme. Celui-ci, ne sachant où prier, Allah eut pitié de lui et laissa tomber du ciel sur la terre à l'endroit même où il est aujourd'hui le Saint-Temple de la Kaaba. En tombant, les pierres se dispersèrent, mais Adam les recueillit et reconstitua la maison de la prière. Depuis ce jour, 70 000 fois 1 000 anges veillent à sa conservation. Survint le déluge. La Kaaba fut détruite de fond en comble. Abraham et Ismaël, ayant eu un songe dont ils comprirent la signification, se mirent en devoir de réédifier le temple sur l'emplacement des fondations faites, jadis par Adam, avec les mêmes matériaux. Une pierre leur manqua, la principale, celle qui marquait le point de départ du Tawaf. Ismaël se mit en route pour la retrouver, et il marchait vers la montagne de Kobiès lorsqu'il rencontra l'ange Gabriel tenant en main une pierre d'une si éblouissante blancheur que les yeux n'en pouvaient supporter l'éclat à 1000 000 de distance. Cette pierre contenait la copie du traité d'alliance que Dieu fit avec Noé lorsque les eaux se furent retirées de dessus la terre. Par une révélation subite, Ismaël connut que c'était là ce qu'il cherchait. Il prit la pierre des mains de Gabriel, revint vers Abraham et tous les deux achevèrent la Kaaba. Ils montèrent ensuite sur la montagne de l'Arafat et crièrent au monde entier que la maison était terminée et qu'on pouvait y venir prier. Et leur voix était si forte que tous les hommes, ceux qui étaient morts et ceux qui n'étaient pas nés, les entendirent. Malheureusement, les désastres du déluge avaient rempli le cœur de ces 2 hommes de repentir et de douleur. Ils pleurèrent sur les péchés de l'humanité et leurs larmes coulèrent sur la pierre sacrée avec tant d'abondance qu'elle devint bientôt la pierre noire que tout l'islam d'aujourd'hui vénère. Dans la suite des temps, la Kaaba fut plusieurs fois détruite par l'eau des torrents et par le feu. Différentes tribus, maîtresses de la Mecque, la reconstruisirent, lui donnant de plus ou moins vastes dimensions selon le plus ou moins d'argent qu'elles avaient à leur disposition. Voilà en abrégé le récit historico-légendaire que me firent un jour, pour exalter ma foi, des hommes très simples qui y croyaient. Bousculés, refoulés, après avoir piétiné sur place en d'interminables arrêts, nous arrivons enfin auprès de la maison en granit blanc vers laquelle, aux heures de prière, se tournent les musulmans du monde entier. Une immense draperie noire la cache, lui donnant de vagues airs de catafalque, et un frisson me court de la tête aux pieds. C'est notre tour maintenant de faire le tawaf. Alors nous avançons pieusement vers la pierre sacrée qu'un cercle d'argent tient scellée dans le mur et nous la baisons pour purifier nos consciences de la moindre souillure. Puis, le côté droit du corps et la tête tournée vers la pierre noire, nous exécutons les 7 tours de l'édifice en disant les paroles consacrées. Le tawaf terminé, nous entrons dans la Kaaba. Une salle surélevée, sans fenêtres, dont la toiture est supportée par 3 colonnes de marbre. J'ai la chance, à cette heure, de m'y trouver avec un nombre relativement restreint de pèlerins, et je puis y voir à peu près clair. Quand la foule est nombreuse, il fait nuit dans ce sanctuaire, qu'une seule ouverture, la porte, éclaire, et on doit sûrement y étouffer. Carrelage en marbre colorié, très riche mosaïque, riche comme les tentures brodées d'or aux inscriptions coraniques, qui pendent le long des murs, innombrables petites lampes d'or et d'argent qu'on n'allume que le soir et qui disent la piété des croyants. Mihrab d'argent massif ciselé d'un 1,50 m de hauteur environ, tapis sacré suspendu au plafond, légèrement agité par le vent, où les simples qui m'entourent voient les battements d'ailes des 70 000 fois 1000 anges protecteurs de la Kaaba. Puis, dans un angle, une porte très étroite donnant sur une sorte de niche vide où jadis étaient conservées de précieuses copies du Coran offertes à la mosquée. C'était là, d'artistiques et très rares manuscrits, que le feu et les inondations détruisirent et qu'on n'a jamais reproduit. Il faut sortir pour laisser la place à d'autres qui se pressent à la porte et veulent entrer au risque de nous écraser. La foule est encore plus dense que tout à l'heure, autour de la pierre noire. On se bouscule maintenant, pour l'embrasser ou au moins la toucher du bout des doigts, qu'on baise ensuite dévotement pour se pénétrer de la grâce résidant dans le très saint talisman. Et ce sont des cris, des adjurations à n'en plus finir, quand nous nous frayons un passage à travers tous ces gens qui sont là, ne voulant rien voir, rien entendre, fanatisés. À la porte de la mosquée, on m'a volé mes babouches neuves, alors j'en avise d'autres, moins riches, mais qui me vont au pied et je me dispose, dernière cérémonie exigeant le hiram, à me soumettre au très pénible saï. Agar, affolé à la pensée que son fils allait tomber sous le couteau d'Abraham, prit sa course, éperdue, dans l'espace compris entre les collines de Safa et de Marwa. Elle accomplit, dit-on, 7 fois ce trajet avant de s'effondrer, inerte, sur un rocher, qu'elle conservait l'empreinte de son corps. J'en aurai la preuve, paraît-il, dans quelques jours, lorsque nous irons à Mouna pour les sacrifices. Et je fais comme Agar, en ayant soin de toujours regarder la Kaaba. Après quoi, je rentre chez moi, exténué, pour quitter le hiram et pour écrire ces choses. Jeudi. Lorsque vous revenez en foule du mont Arafat, souvenez-vous du Seigneur près du monument sacré. Souvenez-vous de lui, parce qu'il vous a dirigé dans la voie droite, vous qui étiez dans l'égarement. Faites ensuite des processions dans les lieux où les autres les font. Implorez le pardon de Dieu, car il est indulgent et miséricordieux. Coran, chapitre la vache, versets 194-195. Cheminez depuis le petit jour dans d'interminables couloirs entre des collines, au milieu de maigres plantes que le sable du désert laisse vivre de ci de là, en touffe d'un ton grisâtre. Traversez avec un frisson de dégoût le village de Mouna, témoin séculaire des horreurs du sacrifice. Traversez encore le village de Moudzalifeh et arrivez enfin à la célèbre montagne de l'Arafat où de nombreuses tentes sont déjà plantées par de plus impatients ou plus rapides pèlerins. Une véritable ville semble avoir surgi, comme par enchantement, de ces sables arides qui entourent le pic d'Arafat. Ville bizarre, aux maisons de toile irrégulièrement construites, aux maisons de toile et aux inexprimables taudis de vieilles pièces de draps disparates et de peaux de bouc cousues ensemble où s'abritent les miséreux qui ont pu vivre jusqu'ici. Quand nous arrivons pour former les faubourgs de cette cité d'un jour, c'est déjà presque l'heure du repas. Partout, on voit des feux allumés entre deux pierres qui supportent une marmite dans laquelle les femmes font cuire des soupes plus ou moins richement composées. Les hommes attendent placidement, assis en rond autour des foyers, le dos appuyé au ventre des chameaux couchés qui ruminent et grognent sourdement. Il s'élève de tout cela un bruit indescriptible, bruit de fête foraine, bruit de marché aux bestiaux. Rien n'y manque, pas même l'odeur de graillons caractéristiques, pas même les chanteurs faméliques qui nous suivent depuis Suez et que je n'ai pas revus. Ils me semblent moins nombreux et plus hâves et plus pauvres. et les petits-enfants n'y sont plus. On chercherait vainement une pensée profane chez ces gens qui sont là. Au pied de cette montagne, le musulman se recueille et prie. Sa rêverie même est pieuse. Nous sommes en des lieux sacrés, évocateurs de souvenirs très saints que le pèlerinage d'aujourd'hui a pour but de célébrer. L'Arafat, montagne de la reconnaissance, est en effet l'endroit où se rencontrèrent et se reconnurent nos premiers parents après qu'ils eurent été chassés du paradis terrestre. Voici d'ailleurs ce que nous enseigne la foi musulmane. Je le tiens d'un cheikh très savant qui voulut bien ce matin rapprocher son chameau du mien et me gratifier d'une homélie sur la cérémonie à laquelle nous assisterons tout à l'heure. Reconnus coupables d'avoir mangé du fruit défendu, nos premiers parents furent bannis du lieu de délices que Dieu leur avait réservé. Honteux de leur faute et se gardant rancune de leur complicité, ils se séparèrent et s'enfuirent à travers le monde, gémissant et pleurant et se regrettant l'un l'autre. Ils errèrent ainsi longtemps, longtemps. Combien d'années, combien de siècles, je ne le sais pas. Le prophète non plus ne le savait pas. Personne ne le sut parce qu'il ne plut pas à Dieu de le révéler. Toujours est-il qu'un jour, Adam, arrivé en ces lieux où nous allons, s'entendit appeler par son nom. Étonné, il regarda autour de lui et aperçut sa femme qu'il reconnut aussitôt, d'où le nom Arafat, reconnaissance, donné par lui à la montagne sur laquelle eut lieu la bienheureuse rencontre à laquelle l'humanité doit d'exister. Adam et Ève, en effet, se gardèrent bien dans la suite de se séparer. Ils vécurent en s'aimant, et c'est sur l'Arafat même que fut conçu leur premier-né. Depuis ce temps, Dieu a voulu honorer de privilèges insignes la montagne où de tels événements se produisirent. Aussi, tous ceux qui viennent ici en pèlerinage s'en retournent-ils lavés de toute souillure, absous de tout péché. Ainsi me parla le très savant et très pieux cheikh dont le chameau ce matin accompagnait le mien. Je vous livre cette fable pour ce qu'elle vaut historiquement. Au point de vue imagination, je lui trouve une toute particulière saveur. Un coup de canon, c'est la fin de la sieste, le signal qui ordonne la cessation des occupations étrangères à l'objet du pèlerinage. De toutes les petites maisons de toile, de tous les taudis en peau de bouc, sort une foule d'hommes et de femmes empressés, haletants de curiosité, fanatisés déjà par la seule attente de ce qui va se passer. Un cortège composé du grand shérif, des cheikhs et des pachas de la Mecque gravit lentement la montagne sous le grand soleil de 3 heures qui magnifie les somptueux uniformes de ces personnages. Et la foule suit, moutonnante, à rempresser jusqu'à l'étouffement. Et cette foule s'arrête à une distance respectueuse de la petite plateforme où les mamals et les personnages dorés du cortège font cercle autour d'une colonne de marbre qui prétend marquer l'endroit exact où se rencontrèrent Adam et Ève. C'est le moment solennel. Monté sur un chameau blanc, harnaché de soie et d'or, un cheikh commence la prière dont personne, à une pareille distance, ne peut saisir les paroles. Mais de cette prière, chacun connaît le leitmotiv et sur un signe que fait le cheikh, pour marquer la fin de chaque verset, la foule reprend en une immense clameur. Sur du sable rose, entre des blocs de pierre rose, descendu lentement vers la vallée, à travers 2 files de mendiants et d'infirmes qui exposent impudemment la hideur des repoussantes maladies dont l'Orient est le pays d'élection. Et il vous demande la charité sur un ton de commandement qui n'admet pas de réplique. Songe à ton devoir, pèlerin. Ils considèrent comme dû ce qu'on leur donne et ne daignent point remercier. Je laisse rapidement derrière moi ce cauchemar et je fais provision des 7 cailloux que je devrais, suivant la tradition, jeter au diable à l'entrée du village de Muzdalifeh, en mémoire de la tentation d'Abraham et du moyen qu'il employa pour se défaire du démon. Puis je me mêle à la foule de mes compagnons de pèlerinage au marché des moutons que les Bédouins ont amené ici en vue du sacrifice de Mouna. C'est en dehors du campement un vaste morceau de désert où planent des aigles, des vautours et des corbeaux attirés par l'odeur de bétail, se ressouvenant aussi peut-être de la curée d'antan. Nous sommes en plein crépuscule maintenant. On s'agite, on se presse, on termine à la hâte les marchés en suspens afin d'être rentré sous sa tente avec ses achats lorsque la nuit sera tombée. Mes 2 esclaves, à qui j'avais donné rendez-vous ici et qui m'ont rejoint, se sont rendus acquéreurs de 4 brebis quatre pauvres petites bêtes plaintives qui nous suivent en bêlant tristement. Je voudrais bien les sauver de l'universel carnage de demain, mais c'est une chose impossible que je rêve là. Au moins, ce soir, ne seront-elles pas maltraitées comme la plupart de leurs semblables. Mes esclaves ont compris qu'il fallait être doux et mes victimes ne souffriront pas. Quand nous quittons le champ de foire pour regagner notre campement, toutes les maisons de toile et les taudis de pièces de drap et de peaux de bouc ont allumé de grandes lanternes de papier coloré devant leurs portes. De loin, on dirait des milliers de vers luisants dans de la neige. Des groupes de chanteurs et de tambourinaires, précédés d'une de ces lanternes portatives, errent à travers les sentiers de sable qui séparent les tentes. Ce soir, on chantera et on dansera aux lumières, en attendant le départ de demain pour Mouna. Moi, je préfère m'isoler sous ma tente et rédiger ces notes que mes amis liront un jour et qu'il m'est si doux d'écrire pour eux. Samedi. Vous retirez des animaux consacrés aux offrandes de nombreux avantages jusqu'au temps marqué. Immolez-les ensuite devant la maison antique. Les chameaux doivent entrer dans l'hommage que vous rendez au Très-Haut. Invoquez le nom du Seigneur sur ceux que vous immolez. Qu'ils soient posés sur trois jambes et liés par le pied gauche de devant. Lorsqu'ils auront été immolés, nourrissez-vous de leur chair et en distribuez à tous ceux qui en demanderont. Coran, chapitre Le Pèlerinage, versets 34 à 37. C'est bien ici le lieu de désolation et de mort qu'entrevoyaient dans leurs songes terribles les tragiques voyants que furent les prophètes. De hautes montagnes aux granites arides, semblent vouloir dissimuler au reste du monde l'atrocité des choses qui se passent ici. La vallée a eu honte de prendre un nom. Pour la baptiser, on a dû y construire un village, le village de Mouna. Aujourd'hui, comme durant tout le pèlerinage, des milliers de tentes se serrent les unes contre les autres à l'abri des tristes granites, stèles géantes d'un infâme cimetière. Le jour y paraît triste et livide, avec ses vols innombrables d'aigles, de vautours et de corbeaux, et la nuit, la belle nuit d'Orient si évocatrice ailleurs de poésie et de tranquillité, la nuit réveille toutes les horreurs de ce royaume de mort où l'hyène et le chacal font entendre leur rire de fossoyeur. La plainte du vent entre ces deux montagnes résonne comme un glas, et les lentes psalmodies arabes des jours de réjouissance ont des allures de chants funèbres. J'ai suivi le mouvement, moi aussi, et je suis venu planter ma tente dans cet immense abattoir où des milliers d'innocentes victimes vont tomber inutilement sous le couteau en commémoration du sacrifice d'Abraham. Il paraîtrait que c'est dans le voisinage des montagnes de Mouna que le patriarche, obéissant aux ordres du Seigneur, dressa l'autel où devait être sacrifié Isaac. Les Mahométans ont un peu déformé la tradition et disent que c'est Ismaël qui fut condamné à mort par ordre divin. Cette version permettait à Mahomet de se dire descendant de la célèbre victime. Quoi qu'il en soit, il est certain que Dieu ne permit pas le meurtre du fils par le père et que, tandis qu'Agar, pour ne pas voir tomber son enfant sous le glaive, s'enfuyait pour s'évanouir de douleur loin des lieux du sacrifice, une voix céleste fit entendre « C'est bien, ta foi est éprouvée, épargne ton fils, qui deviendra le père d'un grand peuple. » À sa place, immole à ma gloire ce bélier qui est à ta droite. Et Abraham rendit grâce au Seigneur et sacrifia un bélier qui se trouvait là, les cornes prises dans les ronces. Ces faits, réédités de la Bible par Mahomet, se trouvent ici surabondamment prouvés. On m'a montré dans le rocher une large fente produite par le glaive d'Abraham, miraculeusement détournée de la tête d'Ismaël. On ne peut s'empêcher de frémir quand on songe à ce qu'il fut advenu du pauvre enfant si le terrible coup, capable de faire de telles entailles aux pierres, l'avait atteint lui-même. Puis, plus loin, un bloc de granit sur lequel Agar tomba évanoui. Il a conservé, du moins certains musulmans le voient ainsi, l'empreinte d'un corps de femme. C'est pour commémorer ces choses que le canon s'est fait entendre ce matin, inaugurant le premier des trois jours de la fête de Kurban Bayram, la fête du sacrifice. Ils sont descendus tous ceux qui, à l'Arafat, assistaient avec leurs troupeaux aux prières du grand shérif. Ils sont descendus entre les grandes stèles de granit, dans la vallée de mort, remplie de bêlements, obscurcie par les vols d'aigles, de vautours et de corbeaux qui attendent. Et c'est le marché qui se continue ici pour les retardataires, avec ses cris assourdissants, ses adjurations. On se prend par les deux épaules on se secoue, on se bouscule en discutant les prix. Puis l'acheteur s'éloigne, se dirigeant vers sa tente avec le nombre de brebis que sa fortune lui a permis d'acquérir. Les plus pauvres se conforment strictement à la loi en n'achetant qu'un seul mouton. Des riches en ont 50 et 100 autour de leur tente. D'autres, enfin, luxe suprême, immolent des chameaux. Ceux-là sont des souverains. Et la tuerie commence. Devant les tentes, les pèlerins égorgent les innocentes brebis debout sur trois pattes. Ils évoquent, dans l'exaltation de leur piété, le souvenir d'Abraham et s'éloignent, laissant là les corps pantelants de leurs victimes. Il en est de ces bouchers qui arrivent à un tel degré de délirium religieux qu'ils plongent les mains dans le sang des brebis mortes et s'en inondent le visage et la barbe. Ceux-là ne se débarrouilleront plus avant d'arriver à la mer. Cette fois encore, j'ai dû me conformer à l'usage. Mais tandis que mes esclaves égorgeaient les quatre brebis offertes à la divinité sanguinaire de Mahomet, je me retirai sous ma tente pour ne rien voir, ne rien entendre. Sortis à la nuit tombée pour assister aux réjouissances. Tout et partout les mêmes, ces fêtes arabes, avec leurs petites lanternes dont la flamme vacille au vent du soir, avec leurs bouffons, leurs chanteurs ambulants, et leurs orchestres de musique grêle et plaintive qui semblent pleurer sur les victimes inutilement sacrifiées. Et partout du sang, encore du sang. On glisse sur des flaques de sang, on trébuche sur des corps sanglants, on a du sang aux babouches, on en aurait sur son burnou si on ne prenait la précaution de le relever. Et quand du seuil de sa tente on contemple dans le lointain cette multitude de lumières vacillantes qui sont des lanternes de fête, on dirait autant de sinistres feux follets errant à travers un gigantesque champ de bataille dont on n'aurait pas encore creusé les tombes. Et cela dure 3 jours, 3 longs jours, pendant lesquels les cadavres restent exposés aux ardeurs d'un soleil de feu. Puis des fossoyeurs viendront qui prendront ceux qui resteront des victimes, dont beaucoup sont vendus en contrebande, et jetteront ces corps putréfiés dans les fosses profondes de 8 mètres et larges de 15 qui ont été préparées à cet effet. Quand on songe qu'il y a eu à Mouna, cette année, 300 000 animaux sacrifiés, et que dans tout l'islamisme, du Maroc à la Chine, à la même heure, des millions de musulmans offrent de semblables sacrifices, on se prend à déplorer l'inspiration qu'eut le prophète, le jour où il donna l'ordre aux croyants d'adorer Dieu dans le carnage et dans le sang. Mercredi. Ce n'est pas un crime de demander des faveurs, réussite dans les affaires commerciales à votre Seigneur. Coran, chapitre la vache, verset 194. Dans les rues de la Mecque où nous sommes revenus après les aurores de la Mouna, la fête du Kurban Bayram continue. C'est un peu leur jour de Pâques à ceux d'ici. Jour de Pâques suivi de nombreux lundis où l'on flâne, où l'on chante, où l'on danse, à la porte des cafés, dans les cours des hôtelleries et des maisons particulières. La nuit venue, je me mêle à la foule et vais par les places, les carrefours et les ruelles, prendre ma part de la joie populaire. D'une terrasse à l'autre, les habitants ont tendu de cordes où pendent des lanternes et des oriflammes rouges à croissant blanc. On se promène sous une voûte lumineuse entre 2 rangées de boutiques dont les propriétaires eux aussi se sont mis en frais d'éclairage. Des brûle-parfums aux essences rares d'Orient répandent leur griserie dans les étroites rues où circulent parmi le chatoiement des costumes aux couleurs éclatantes les charrettes basses traînées par un âne de marchands de fruits et de sucreries, les chameaux chargés de pastèques et de blé que des hommes très bruns conduisent en poussant des cris gutturaux. C'est leur manière d'avertir qu'il faut prendre garde et se ranger. Et l'on flâne, insouciant dans tout ce tumulte, le chapelet d'ambre à la main. Et l'on s'arrête aux éventaires, accrochés au passage par le boniment du vendeur qui offre sa marchandise. Ici, ce sont des fétirs, galettes de farine et de beurre. Là, des kishta, crème de lait bouilli. Plus loin, du henné pour les ongles, du kohl pour les yeux. Dans une marmite en fer, un homme prépare des fulmudamnes, sorte de fèves, qu'il laissera cuire la nuit, pour les vendre demain matin à l'heure du déjeuner. À la porte d'une maison, un fourneau en terre. De petits morceaux de viande y rôtissent sur une broche qui tourne par la seule action du feu. Ce sont des kebabs, qu'on mange assaisonnés de céleri et de persil, tout en buvant le zébib ou le charab el-homemade, limonade de coco ou d'oseille que les malis, les marchands d'eau potable, débitent dans la rue. On les reconnaît de loin au tintement des soucoupes de cuivre qu'ils heurtent l'une contre l'autre, à la façon des joueurs de castagnettes, et l'air est plein de leur musique assourdissante. Maintenant, pour entrer dans une autre ruelle illuminée, je traverse une place sombre où des maisons composées d'un rez-de-chaussée seulement achèvent de s'écrouler. Derrière leurs grilles de fer, depuis longtemps, la petite lanterne funéraire s'est éteinte. Ce sont de très vieux tombeaux qu'on ne visite plus. Et c'est la même animation dans ce nouveau quartier où j'arrive. Même éclairage, même boutique, même marchand. Il me semble que je suis toujours de l'autre côté de la place funèbre. Des brebis et des chèvres échappées au carnage d'hier, bon, insouciantes, de tas d'ordures, accomplissant leur office de balayeur public. Des appels, des musiques d'un autre âge à la porte des cafés, et la foule des pèlerins semble s'amuser prodigieusement, au milieu de tout ce bruit que dominent, inlassable, les castagnettes en cuivre des marchands de coco. Dans une salle basse, en contrebas de la chaussée, au fond d'une impasse, des hommes sont réunis. Les uns, accroupis par terre à la turque, fument des cigarettes. Les autres, debout en cercle, sur un tapis, semblent dans l'attente passionnée d'un signal que fera celui d'entre eux qu'ils ont placé au centre. Un murmure s'élève, rythmé. « La illa, illa Allah, Mohamed Rasul Allah !» Et les corps suivent le rythme dans un balancement de droite à gauche, lentement, très lentement. L'homme du centre marque la mesure en frappant des mains. Le mouvement s'accentue de minute en minute, les voix s'enflent, les jambes plient. Bientôt, le balancement devient vertigineux. Les têtes roulent sur les épaules, comme prêtes à se détacher, les yeux sortent des orbites, les bouches écument. On ne perçoit plus que des halètements de fatigue et quelques bribes de la sainte formule rugies en des sons rauques par les gorges altérées. Les hommes tombent absolument ivres. Alors ceux qui étaient assis et qui fumaient prennent leur place et le spectacle continue jusqu'à ce que le dernier dévot épuisé roule près de ses compagnons et s'endorme d'un sommeil malsain, abrutissant. Et voilà encore une des curiosités de la tradition musulmane qui commémore ainsi, par ce qu'elle appelle le zikr, les attaques épileptiques auxquelles, dit-on, était sujet le prophète. Du reste, les peuples musulmans très portés au mysticisme donnent volontiers une cause divine à toutes les choses qu'il leur est impossible de comprendre. C'est ainsi qu'ils entourent les idiots d'un respect quasi sacré et leur élèvent, comme à des saints, ces mausolées à coupoles de terre grise qu'on rencontre à l'entrée des villages dans les pays d'islam. J'éprouve maintenant une certaine tristesse pitoyable à coudoyer des hommes capables de telles choses. Alors je rentre chez moi. J'ai peur que l'obsédant souvenir des yeux fous, des faces convulsées, des poitrines déchirées que j'ai vues me poursuive jusque dans mon sommeil en cauchemar d'aliéné. Observez avec soin les heures des prières et la prière du milieu, et levez-vous à la prière pénétrée de dévotion. Coran, chapitre la vache, verset 239. De tous les minarets de la mosquée, le chant des muezzins éclate en un musical et poétique appel à l'adoration du Seigneur. Et une mélancolie indiciblement suave, dont on ne retrouve nulle part ailleurs l'impression, vous prend l'âme au charme troublant des huit voix incomparables qui célèbrent, par leur cœur aérien, les différents attributs d'Allah. Il est 3 heures quand je quitte mes chaussures, de très communes cette fois, et foule le premier parvis du temple. Il y a affluence, comme toujours, autour de la chaire en marbre sculpté d'où l'imam préside à la cérémonie, autour des tombeaux où dorment depuis des siècles les cheikhs Hanafi, Mbabi, Malki et Shafi'i, fondateurs des 4 grandes sectes orthodoxes de l'islam. Les Égyptiens sont shafi'istes. C'est donc vers la chapelle de Mohamed ibn Osman ibn Shafi'i que je me dirige péniblement à travers les rangs pressés des fidèles pour me mêler à eux et voir de plus près. Et c'est la reddition de la prière commune qu'on psalmodie dans toutes les mosquées avec les mêmes profondes inclinations au nom de Allah, exagérées peut-être un peu ici à cause des lieux saints. L'effet est très saisissant dans le murmure de l'oraison de ces milliers de têtes de blé qui se couchent sous le vent d'orage pour se relever dès que le soleil se montre à nouveau. Quand la prière est finie, je me rapproche, autant qu'il est possible, de la sainte fontaine de Zemzem. Lorsque Hagar et Ismaël s'enfuirent dans le désert, l'eau vint à leur manquer et ils risquèrent mourir de soif. Mais Dieu, dans sa bonté, eut pitié de leur détresse et permit qu'Ismaël, dans les affres de l'agonie, frappât le sol de toute la force de ses petits pieds. Une source jaillit. L'enfant et la mère s'y désaltérèrent et furent sauvés. La source continuait de couler, et avec une telle abondance que l'inondation menaça le pays tout entier. Ismaël, effrayé, s'écria « Zem, Zem, arrête-toi, arrête-toi !» La source obéissante forma le puits, le très modeste puits au bord duquel je me trouve aujourd'hui. Voilà la légende. Ce qui est beaucoup plus historique, c'est que des pèlerins, prenant le Zemzem pour le chemin direct du paradis, s'y jetèrent, jadis en beaucoup trop grand nombre. La croyance populaire se trouvant affermie par ce fait qu'aucun corps ne revint à la surface, l'épidémie de suicide sévit de plus belle et le grand shérif fit placer une grille à 1 mètre environ au-dessous du niveau des eaux. Par surcroît de précaution, une barre de fer interdit à tous ceux qui ne sont pas porteurs d'eau l'accès du petit escalier qui conduit à la source, ce qui n'empêche d'ailleurs pas les fidèles, accoudés à la margelle du puits, d'y plonger des linges plus ou moins recommandables, chemises, caleçons et jusqu'à des bandes de toile ayant servi à panser des blessures ou des plaies. Et le danger est bien plus grand que celui évité par les soins du grand shérif. Les eaux saumâtres, amères et tièdes du Zemzem, infectées de microbes, bues sur place ou emportées dans les bidons, allant semer partout les maladies et la mort. Je me garde bien de goûter au breuvage sacré, mais demain, pour que mon abstention ne donne pas l'éveil, j'enverrai mes esclaves remplir mes gargoulettes du précieux liquide, dont quelques gouttes à mon heure suprême m'assureront le salut éternel et les enviables voluptés du paradis de Mahomet. Après avoir visité le tombeau d'Abraham aux riches tentures brodées d'or et de pierreries, j'erre quelques instants sous les galeries où des cheikhs instruisent leurs élèves, où des pèlerins pauvres causent, mangent ou dorment. Puis, quand le soleil descend à l'horizon et que l'allumage des innombrables petites lampes est déjà commencé entre les colonnes de granit et de marbre, je quitte la grande mosquée, presque silencieuse, maintenant que le crépuscule est tout à fait venu. Et ce sont là des choses que jamais plus jamais je ne pourrai revoir. Ainsi s'achève Voyage à la Mecque par Albert le Boulicot.